meurs. Pourquoi tu pleures? Un jour tu ris, un jour tu meurs. Je les baise en douceur, je prends le mic à toute heure. Je suis ce rappeur que tu peux croiser en scooter. Je fais ce que je veux, ils ont plus rien à me dire. Vas-y, ignore-moi, je fais ce que j'ai à faire. Faut que j'aille dans le monde qui m'a traîné à tirer. Parce que pour rien, ça déclare des guerres. Je fais des violets, des marrons, des verts. Il me faut un local pour le prochain hiver. Il me faut une belle caisse pour cet été. Un rail et un beau Kawasaki vert. Je me couche à 9h, je me lève à 18. Cherche-moi, y'a ce qu'il faut vers le bloc 18. Soirée enjaillée, ça fait cuite sur cuite. Et dans la chambre, ça fait tube sur tube. Qu'est-ce que tu esquives? Tu me dois des thunes ou quoi? Malade, je peux rien faire pour toi. N'écoute pas les rumeurs, j'aime tout le monde, j'ai pas d'embrouille dans le 1-3. J'suis pas d'humeur à écouter les mauvaises rumeurs. Pourquoi tu pleures? Un jour tu ris, un jour tu meurs. Je les baise en douceur, j'prends le mic à toute heure. Je suis ce rappeur que tu peux croiser en scooter. Enfin dans le bloc, même si c'est étroit. Capuche, cache-nez, bordel, il fait froid. J'ai bien rigolé, on s'est évadé. D'ailleurs, il me reste du shit sur les doigts. Et si je suis pas là, c'est que je travaille. Que la flemme sortir ou que je suis pas bien. 5h du mat, je me retrouve à bail. Je conduis, je baille, habillé à la chien. J'suis en plein d'albums, j'suis avec des tarés. Tu peux nous croiser bourré sur le jarret. J'appelle le poteau sur Snapchat. Tu fais un freestyle en mode d'arrêt. Sur l'autoroute, j'ai croisé des fans. On a fait des photos sur la bande d'arrêt. Ils pensaient que je me prenais pour un autre. Mais ils ont bien vu que j'étais pas pareil. J'suis pas d'humeur à écouter les mauvais. Rumeur. Pourquoi tu pleures? Un jour tu ris, un jour tu meurs. Je les baise en douceur, je prends le mic à toute heure. Je suis ce rappeur que tu peux croiser en scooter. J'évite les BDH et toutes ces groupies. J'évite la merde, les bagarres de groupe. Tu me verras jamais en train de choper. Parce que le mec a un salaire de joueur de foot. Viens voir au quartier sur la déroute. Les petits ont acheté des chevrotines. C'est devenu la routine. Même les gadiens ont des bracelets au-dessus de la bottine. Je le vis tant sur le vide. Sur mes DP tous guide. Devant le mic je me vide. M'aligné, j'ai fumé tout le shit. Ça coche le viton sur le vide. Sur mes DP tous guide. Devant le mic je me vide. M'aligné, j'ai fumé tout le shit. J'suis pas d'humeur à écouter les mauvaises rumeurs. Pourquoi tu pleures? Un jour tu ris, un jour tu meurs. Je les baise en douceur, j'prends le mic à toute heure. Je suis ce rappeur que tu peux croiser en scooter. J'suis pas d'humeur